Et bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Coup de cœur en été. Serge en votre compagnie pendant une heure. Coup de cœur, c'est quoi sur Fadjet? Ben, c'est en quelque sorte un club mais complètement ouvert à tous les auditeurs qui le souhaitent, pour partager ensemble les chansons qu'on aime bien, les chansons populaires essentiellement françaises. Vous qui êtes de passage sur la région nancéenne, vous qui nous écoutez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Les auditeurs habituels, bien sûr aussi. On va commencer ce programme avec un titre qui est une reprise du tube December 1963 de Frankie Valli et The Four Seasons sur une mélodie de Bob Gaudio. Ça vous dit pas grand chose. C'était sorti en 75 et ça devient numéro 1 aux États-Unis l'année suivante. Par contre, alors que Claude François cherche de nouvelles chansons dans les bureaux de son label Flèche à Paris, au boulevard Excelmans, ben il fouille dans le tiroir du bureau de son directeur artistique, Jean-Pierre Bourter, et il y découvre ce disque de Frankie Valli qu'a écarté Bourter. Ah, le vilain. Emballé, il demande à Andy Marnay d'écrire les paroles en français avec des références à son début dans le show business en 1962. Vous avez compris, cette année-là, clo-clo. Ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été. Et qui était l'homologue féminine de Claude François dans ses années de bonheur, dans ses années d'insouciance? C'était tout simplement Sheila, vous le savez. Et c'est les vacances, donc si vous voulez tout savoir sur Kennedy Airport, si vous devez prendre l'avion aux États-Unis, elle vous dit tout immédiatement. Sous la Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Un petit renseignement, Clo-Clo, on l'avait mis à l'honneur le 11 mars 2021 pour une émission complète de coups de cœur. Continue. Alors le principe pendant ces vacances, ces émissions spéciales, c'est un petit mot de chacun et puis surtout beaucoup de musique. Alors pour ce qui suit, je vais vous parler d'Erita Mitsuko, un petit rappel. C'est un groupe de rock formé en 1979 par le duo d'auteurs, compositeurs, interprètes qui étaient Catherine Ringer et Fred Chichin. Le groupe révélé en 84 par son tube Marcia Baila, bien sûr, est l'un des plus populaires dans les années 80 en France. Le duo prendra fin à la mort de Fred Chichin, c'était déjà en 2007. On leur avait consacré notre émission en date du 1er avril 2021. On va les retrouver dans un de leurs plus grands succès, Singing in the Shower.

Outre le fait d'être un artiste passionné, Grégoire est aussi, sachez-le, un homme très engagé. En 2014, il se porte candidat aux élections municipales de la ville de Senlis dans l'Oise et apparaît sur la liste de la maire sortante. En 2017, il devient même conseiller municipal de la ville. Un nouveau single, rien que pour vous, ça s'appelle « Vivre ». Grégoire. Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. Tout bouffer à pleine dent, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en V, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh, mes amis, nous allons vivre, vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oh, mes amis, nous allons vivre. Nouveauté. Nouveauté. C'était le nouveau titre de notre ami Grégoire. Alors Grégoire, on lui avait consacré notre émission le 4 juin 2020. Exactement, je regarde mes petites notes pour tout vous dire et pas vous raconter de bêtises surtout. Alors, avant Patricia Cass, de nombreux artistes se sont prêtés à l'exercice sous l'objectif de Sacha Goldberger. Kali notamment, qui s'est transformée en Joker, Jean-Paul Rouvre en Rasputin, Laetitia Milo en Claudia Cardinal, François Berléand en Victor Hugo, etc., etc. Eh bien, Patricia Cass apparaît sur un portrait de Maléfique des studios Disney. Vous pouvez la retrouver sur la toile, bien sûr. Est-elle en fin de retour? Ben, écoutez, notamment, cette nouvelle photo d'elle ne passe pas inaperçue, tant l'artiste de 56 ans, maintenant, se faisait discrète ces dernières années. Entre 2019 et 2022, la chanteuse est restée à distance de l'attention médiatique, avant, justement, de réapparaître sur la scène de l'Olympia en septembre dernier pour un concert hommage à Jean-Jacques Goldman. On la retrouve dans If You Go Away. J'ai décidé de ne pas vous présenter uniquement les succès les plus connus de nos retrouvailles musicales aujourd'hui. Et notre coup de cœur de Patricia Cass, il fallait nous écouter le 14 mai 2020. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away, If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your shadow. I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, but if you stay, écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Nous avions déjà partagé la version de Jacques Brel, bien sûr, Ne me quitte pas. En 1962, les Français découvraient une jeune fille romantique et réservée au panthéon des copains. Elle signait paroles et musique, quand les autres yéyés se contentaient d'adaptations plus ou moins fines de succès américains. L'époque inventait la jeunesse et Françoise Hardy, une forme d'élégance qui ne l'a jamais quittée. Notre coup de cœur du 23 juillet 2020, on la retrouve dans un de ses plus grands tubes, Le temps de l'amour, revisité en compagnie du groupe Bon Entendeur. Et de l'aventure. toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un très bel été. De valse de Vienne au Petit Franck, les mélodies éternelles composées et chantées par François Feldman sont imprimées à tout jamais, bien sûr, dans la mémoire des amateurs de l'univers musical populaire des années 80. Son père était tailleur d'origine russe et sa mère d'origine belge, infirmière scolaire. L'adolescence banlieusarde du jeune François est bercée de façon très rythmique par la musique soul américaine et il passe des heures à écouter et disséquer ses disques favoris signés James Brown, Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder. Notre coup de cœur du 8 octobre 2020 sort un nouveau titre, ça s'appelle Ina, H-I-N-A, on va le découvrir tout de suite, mais profitez-en bien parce que je ne suis pas sûr que vous l'entendrez ailleurs. Le nouveau François Feldman. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est l'émission Coup de cœur d'été. Serge, en votre compagnie, si vous passez par Nancy, soyez les bienvenus, découvrez-nous, profitez de 94.2. Et puis également, vous pouvez nous retrouver sur Internet quand vous partez un petit peu plus loin de la région Grand Est. Restez en notre compagnie, www.fadjet.net. On continue notre programme. Le 20 août 1980, le suivant, il meurt à l'âge de 41 ans d'un infarctus du myocarde à Papeete, au Tahiti, bien sûr. Il déjeunait alors avec ses enfants et des amis dans le restaurant chez Michel et Eliane lorsque soudainement à 12h30 il est pris d'un malaise cardiaque et s'effondre sur sa chaise. Vous avez bien compris qu'il s'agissait de Joe Dassin, notre coup de cœur du 25 juin 2020. Je vous propose de le retrouver dans un medley que l'on peut qualifier d'éternel. Que vous voulez. aux Champs-Élysées. Tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Devant les joies de vivre. Allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À quoi? À la façon que tu as d'être belle. À la façon que tu as d'être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi. À la petite fille que tu étais. À celle que tu es. Un cocktail rafraîchissant de musique et de passion sur Fadjet, Fadjet pour votre été. Figurez-vous que le chanteur Patrick Fiori a trouvé son lieu de vie idéal. S'il n'est pas né en Corse, c'est là-bas qu'il y trouve son équilibre, un lieu unique près de ses parents où il coule des jours paisibles avec sa famille. Nous, on a profité de ses chansons, on vous a raconté son histoire le 17 décembre 2020 dans Coup de cœur, un extrait de son dernier album, On se love. On s'était promis infini, un nouveau départ, amour et ami, de loin et d'ici, rendez-vous ce soir, après le silence, après les distances, donnons-nous du sens, s'il reste une chance de s'aimer encore. On se love, love, love, comme la première des premières fois. On se love, lève-toi et tombe dans mes bras. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains, sera plus fort, love, love, on se love. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, mon cœur qui résonne. Si loin, entends-tu le bruit des joies qui reviennent? On écrit demain à l'encre des nuits. Ta vie dans la mienne, on peut croiser nos regards. Alors, Alain Barrière nous a quittés en 2019, mais avec qui interprétait-il le titre « Écoute bien, elle va chanter ». Vous avez 4 minutes 09 très précisément pour identifier cette chanteuse. La réponse dans quelques minutes. La bien, elle va chanter, la petite là-bas, avec sa robe noire. Elle va chanter ses grands amours, amour, toujours, ses trop tristes histoires. Elle va chanter ses grands bonheurs, ses grands malheurs et ses grands coups de cafard. Chanter ces grands ciels bleus, c'est merveilleux, c'est l'éternelle histoire. La dernière fois que je l'ai vu, je sais pas comment te le dire, mon vieux. Moi, j'étais tellement ému, j'avais des larmes. Bien sûr, ça ne peut pas t'arriver. Je sais bien que pour toi, ça n'est pas très normal. Quand on vient voir quelqu'un chanter, non, non, y a pas de quoi s'en trouver mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Ah. Toi aussi, ben ça c'est pas banal. Non, je pouvais pas m'imaginer qu'à toi aussi, elle puisse te faire mal. Écoute, elle revient, elle va chanter. Vas-y, laisse-toi aller. Oui, quand elle se met à chanter, c'est tout Paris qu'elle fait chanter. Et quand elle se met à chialer, c'est tout Paname qu'elle fait chialer. Elle a chanté. Est-ce que vous avez pu identifier celle que l'on peut rapprocher d'Edith Piaf, hein, il n'y a pas de doute. Oui, ça y est, vous avez trouvé. Ben, il s'agit de Betty Mars, de son vrai nom Yvette Baheu, qui était une chanteuse et actrice française née en juillet 44 à Paris et qui nous a quittés en février 89 à Suresnes. De plus en plus malheureuse dans sa vie privée et peu à peu oubliée du métier, elle a choisi de mettre fin à ses jours le 31 janvier 89 sans un mot. Elle s'est jetée par la fenêtre de son domicile à la Défense. C'est elle qui accompagnait Alain Barrière, notre tête d'affiche du 24 septembre 2020. En ce qui concerne celle que vous allez écouter maintenant, elle se confie à un magazine People en septembre 2022. L'idée d'une relation ne l'effleure plus du tout. Elle n'a plus envie d'avoir un obstacle dans sa vie et pour elle, les hommes ont toujours été des obstacles à son épanouissement, a-t-elle expliqué sans détour. Il s'agit de Jeanne Mas, on la retrouve dans Femmes d'aujourd'hui justement. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Jeanne Mas, notre coup de cœur du 19 mars 2020. La suivante est une chanteuse iconique des années 70, figure incontournable de la variété française. L'interprète et parolière provençale a vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, elle a repris les concerts après les contraintes de la pandémie et s'apprête à fêter en grande pompe ses 60 ans de carrière. Pour ce faire, un concert unique à Paris aux Folies Bergères le 29 octobre prochain et une anthologie de 22 CD avec 465 chansons est sortie, dont deux inédites. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Michel Thor, notre coup de cœur du 30 juillet 2020. Michel Thor, qui est une grande croyante, une grande pratiquante. On l'écoute dans une très jolie chanson, « Quand vint la grâce ». Quand vint la grâce, partageons nos passions sur Fadjet. C'est déjà la fin de notre émission, un dernier titre. Ça a passé ultra vite comme d'habitude, au Café des Délices. Bah, c'est une chanson écrite par Félix Gray, composée et interprétée par Patrick Bruel. Elle raconte la douceur de vivre dans la ville de Tunis et fait référence au Café des Délices à Sidi Boussaïd. La chanson évoque la vie à Tunis, le port, les femmes, les enfants, l'odeur du jasmin, mais aussi les soirées de fête sur les plages d'Hammamet. Elle a une tonalité nostalgique, même si Patrick Bruel est originaire de Tlemcen en Algérie. Patrick Bruel, notre coup de cœur du 21 mai 2020. On le retrouve en public. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au Café des Délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au Café des Délices. Yalil, yalil, yalil, yalil, yalil, yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal, à part elle quant à oui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours. Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais ce fruit. Les noyaux d'abricot pour toi, c'était des vies. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'Hammamet. Yalil, Habibi, Yalil. Qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence. C'est peut-être une chance. Yalil, Yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, Yalil, ce parfum d'autrefois. Yalil, Yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, Yalil, même si tu t'en vas. Et la blancheur des voiles des femmes, tenant un fils. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis, et l'odeur du jasmin qui tenait dans ses mains. Au Café des Délices. Vous l'avez identifié, il l'a annoncé, il était en très bonne compagnie, Patrick Bruel, puisqu'il était accompagné de Slimane. En public, comme d'habitude, pour se quitter, bon, c'est plus sympa, un petit titre en public comme ça, ça nous plaît bien. On se retrouve la semaine prochaine à 17h sur 94.2 Fadjet à Nancy, un petit peu partout en Europe aussi. Vous pouvez nous rester fidèles. Nous, on est fidèles à nos auditeurs. On vous souhaite une excellente semaine de vacances, je l'espère. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Coup de cœur en été. Salut, bye bye! Yeah.